Où, ici. Car c'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès pour la semaine du 11 au 17 janvier 2008. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Virginie Cossette. Bienvenue à vous à la maison, où vous soyez. Merci d'être avec nous pour ces 3 heures de la meilleure musique, le condensé de ce que c'est fou a de meilleur à vous offrir. C'est ici. C'est ici où? Où? Assez fou. Assez fou. 89.1 FM. On a quelques nouvelles entrées dans nos palmarès cette semaine. Oui. Du côté anglophone, c'est ça que t'attends, hein? Que ce soit moi qui c'est pour ça que je te pointais, là. Par là-bas. On a tout petit bout de Hive. Et mon doux, un des hommes de ma vie. Nombreux sont-ils, mais... Ben oui, c'est ce qu'on pourrait dire, hein? T'as un harem d'homme de ta vie, toi, là. Sonnerie Lefty avec Let My Love Open The Door. Et du côté francophone, on a Gatineau avec Punch Up. On a Les Chiens avec Je sais que tu m'aimes, mais on commence par la 15e position francophone. On s'en va entendre Alex Champigny avec une pièce qui s'appelle Avec ton sourire. C'est très bon. On l'attend depuis longtemps, cette nouvelle entrée. Il y a eu plusieurs tunes d'Alex Champigny qui ont passé par nos palmarès depuis les derniers mois. Quand même. On a entendu Aspiration et Je vais m'hypnotiser. Mais tout de suite, voici Avec ton sourire au palmarès C'est fou 89.1 FM dans vos oreilles. En classant mes souvenirs, j'ai trouvé sur le dessus ton image aux yeux perdus. Avec ton sourire, pas bien loin de cette image, je t'ai vu. Près du lac d'or. Joy Green. En 15e position anglophone. J'aime bien cette très bon, hein? Oui, ça fait changement, je pense. Oui, tout à fait. C'est très accrocheur. Oui. Ça fait pas changement, par exemple, parce que les pièces des palmarès, c'est souvent. C'est toujours accrocheur. Pas souvent. Toujours. Et avant, on avait Alexandre Champigny. Qu'est-ce que c'était avant? Avec ton sourire. Ah, bon. C'est dit maintenant. On dit merci. Merci Virginie. De rien, Mathieu. C'est toujours très gentil quand tu dis les pièces. On est rendu à nos 14e position du côté anglophone. C'est la nouvelle entrée de Sundry Lurkey qui s'appelle Let My Love Open the Door. Mais juste avant, Les Chiens avec Je sais que tu m'aimes. Tout de suite au Femmara, c'est fou au 89.1. FM. qu'une seule envie, c'est que tu m'écoutes quand je te dis que si on reste ou bien si on s'enfuit, il faudra toujours refaire. avec Let My Love Open the Door. Bravo, Virginie, t'es arrivée directement sur Q, j'en, j'en reviens pas. Juste avant, c'était Les Chiens, mais je sais que tu m'aimes en 14e francophone, c'était Chien de ma part. Hein. Un peu, mais tu m'aimes, fait que c'est correct. Je t'adore. On est rendu à la 13e position anglophone, c'est We Are Wolves avec Psychic Kids, qui était une nouvelle entrée la semaine dernière, ça a monté de 2 places. Oh, mais juste avant, Pawn Shop avec Gatineau. Une nouvelle entrée, Gatineau. Bref, et voilà. Hey, tu savais ça? Il y a une toune qui s'appelle, OK, juste pour vous dire, il y a une pièce, parlons comme il faut, qui s'appelle The Christ is Right. The Christ is Right. Christ. Hey, moi, je disais que c'était animé par God Barker. Combien pour cette voiture? Cette voiture, combien? Hein? Combien pour cette voiture? 1 $. Pound shop. Laisse t'aller, y'a pas ma piste de dame, get up. passe pas mal de temps en chop. Laisse-toi le mes vieilles prime drop. Laisse-toi le ça va mal la chop. Laisse-toi le y'a pas ma plus de dame que d'op. Laisse-toi le j'passe pas mal de temps en chop. Laisse-toi le mes vieilles prime drop. Hey le gros, t'arrêtes pas de coups de pièces à me passer. J't'en mange coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus une maudite scène jusqu'à la fin du mois. Tu sais comme moi, c'est le chômage, j'vois pas chez loin que ça. J'arrive du bounce, j'dois t'aller vendre. Au moment, faut bien survivre en attendant qu'à chaque round. Faut que j'bois de la bière, que j'chante un peu, que j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pot de weed pour arriver en détente. Pendant que la chance fasse ton existence change. Pendant que la chance fasse ton existence change. Ça va attendre, si je rallonge, j'y vais comprendre. Alors on se bat, je trouve 430, je pense j'avais d'un poignet beige, puis me mettre avant. J'ai guéri le fan, marre de check et cash. J'en vais chercher par tout le monde, partout, partout, tout est part. Tous des jeunes que de mille, on l'a théâtre d'or. Et finalement, j'ai pas de mots de seul qui m'adore. De ce temps-là, ça va mal la shop. De ce temps-là, y'a pas mal plus de temps que d'op. De ce temps-là, j'passe pas mal de temps par job. De ce temps-là, ma vie a pris une drop. De ce temps-là, ça va mal la shop. De ce temps-là, y'a pas mal plus de down que d'up. De ce temps-là, j'passe pas mal de temps par shop. De ce temps-là, ma vie a pris une drop. En ce moment, je vais m'en bas de la pente. Quand ça sonne à porte, check par la fente. J'm'attends ce que les chalocs, personne descende. Que le propriétaire défonce, pis qui rentre. Le menace de pas de couper les drapes, moi j'au rockmount. J'ai plus combien de chèques en plein cœur pour dire sa part. Les huissiers peuvent saisir, y'a rien à prendre. J'veux juste qu'on m'aide un peu, que j'puisse me reprendre. troisième position avec Psychic Kids. Yeah. Ça déménage quand même. Oui, We Are Wolves, nous sommes loups. Total Magique, le nom de l'album, c'est très très bon. Juste avant, c'était la 13e position francophone. C'était une nouvelle entrée pour Gatineau avec Pawn Shop, de leur album éponyme. On est rendu aux 12e position, mais avant de faire ça, c'est l'heure de prendre une petite pause. Petite pause qui casse. Changeons de page pour aller regarder. Bon, commençons en disant que des palmarès, c'est fou, c'est pas seulement un top 15 francophone, un top 15 anglophone, on dit à chaque semaine, c'est aussi un top 10 électronique. Un top 10 large. Top 3 des disques canadiens. Et un top 30 des albums. Et oui, c'est plein de choses, des palmarès, c'est fou. Des palmarès, c'est fou, c'est la vie. Et voilà. Je vais entrer dans le top 10 électronique. La 10e est Celluloid avec Naphtaline LP. En 9e, il y a Dazo avec Main ID EP. En 5e, Diary of Dreams avec Necrologue 43. En 4e, c'est le Benzen des amis de C'est Fou. Il y a même un membre de l'équipe de C'est Fou, Danny Janvier, qui est dans le Benzen. Ça s'appelle Zentronic. En 2e, on retrouve Deadbeat Project avec Breaking the Shell. Et je crois que j'ai sauté par-dessus numéro 1 que j'aurais dû laisser faire. Et que tu as sauté par-dessus numéro 3 aussi, là-dessus, dans le numéro 3. Je peux faire le 3, si tu veux. Fais les 3, 2, 1, là, refais-les. 3, 2, 1. En 3e position, Mindless Fate avec Medication for the Misinformed. En 2e position, comme Mathieu nous l'a si bien dit, Deadbeat Project, Deadbeat, oui, avec Breaking the Shell. Et en première position, une compilation. Yeah! Ouais, Waveform Transmission, volume 1. Du côté du top 10, Loud, il y a, 5 nouvelles entrées. Les voici. Heart of Sun avec Heart of Sun. En 9e, Dimension avec Ego. En 8e, The Autumn Offering avec Fear Will Cast No Shadow. En 7e, Sebastian Bach avec Angel Down. En 6e, Slither in Exile avec Death Dealer. En 3e position, Lizzie Borden avec Appointment with Death. En 2e, Gross Misconduct avec The Process of Indoctrination. Et en 1re position, Opeth avec The Roundhouse Tapes. On fait le top 3 des disques canadiens, top 30 des albums plus tard, mais avant, retournons au palmarès standard. Pour aller entendre nos positions numéro 12 en anglophone, c'est Artist of the Year avec Fear Factor qui monte de 2. Mais du côté francophone, El Motor avec Hippocampe. Petit poisson, qu'est-ce que tu me faisais comme signe? Tu voulais faire un poisson? Non, on n'a pas un concours. Ah, on a un concours avec El Motor. T'es fine, Virginie, c'est vrai. On vous pitch un CD d'El Motor par la tête, mais plus tard, après la pièce. D'accord. On vous donnera le numéro de téléphone et vous nous téléphonerez avec vos doigts et nous vous lancerons le CD. We'll be right back. retour, Dragonette et Téléphérique au palmarès C'est fou au 89.1 FM. Vous écoutez les palmarès C'est fou et voici la position numéro 12 anglophone, c'est Artist of the Year et Fun Factor au 89.1 FM. Québécois de Artist of the Year avec la pièce Fun Factor. Ça, c'est la 12e position anglophone montée de deux places. Ma tête dodelinait en studio. Dodelinait. Elle chouinait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dodelinait. Hurry, c'est tellement beau. Bref, juste bref. Avant, juste avant, on avait El Motor avec Hippocampe. El hey, Motor? Oui. Qui? Bref, on a un concours. Là, ça marchait pas avec ton qui pantoute. Hein? Je sais pas où t'as pogné ça, ton qui. Et on a un concours, on a un CD de El Motor à vous donner. Il s'appelle El Motor, lui aussi. Il est éponyme. Il faut nous téléphoner en studio. On prend le 46e appel, non, c'est pas vrai. Le troisième appel. Le troisième appel. À quel numéro, Virginie? Au 376-5183. Exactement, 819-376-5183. On attend vos appels maintenant pendant qu'on s'en va entendre téléphérique. et le Mirage. Au palmarès, c'est fou, où ça? Dans vos oreilles. Au 89.1 FM. À Trois-Rivières, aurait pu être d'autres bonnes réponses. Trois-Rivières, dans les studios de QTR. De ton bord, t'écoutes quoi dire à en parler. J'avance que quand on me laisse passer, tu ne changes rien sans consulter. J'accepte la place qu'on m'a donnée. T'épouse les causes qu'on pleure à la télé. Pour qu'on se range du bon côté. La musique qu'on me fait écouter, y elle fait l'unanimité. On sait comment se faire aimer. Dragonette avec I Get Around. Une chance que tu m'as arrêté parce que je chantais. T'aurais pu, ça aurait été drôle. Non. Ça, c'est la 11e position, c'est stable du côté anglophone. Juste avant, c'était la 11e francophone, Téléphérique avec le Mirage qui monte de 4 places. C'était une nouvelle entrée last week. C'est deux chansons de toune, hein, Mathieu? De toune. Hey, je dis jamais le mot toune dans ma vie. Non, là, mais c'est depuis comme... les trois dernières semaines, tu as fait un usage abusif. Je sais pas ce qui m'arrive avec ce mot-là. C'est ça. Je parle tellement pas comme ça d'habitude, il me semble. Pourtant. Je sais pas, il y a de l'influence à quelque part, là. C'est pas moi. Je sais pas de qui ça vient. En tout cas. On est rendu à nos 10e position du côté anglophone. C'est... Ah, attends, non, avant d'aller faire les 10e anglophones et francophones, on va virer la page un peu. On va annoncer le gagnant. Ah, j'ai une chance que t'es là, moi. Je suis pas très là ce soir, hein. Non. Pas très là, pas très non. là. Le gagnant du CD de El Motor, c'est M. Maxime Derry. Félicitations à vous, Maxime Derry. Et comme j'allais dire, autre que le top 10 électronique et le top 10 loud des Palmarès, c'est fou, c'est aussi le top 3 des disques canadiens. Donc voici la troisième position. C'est Steve Hill avec Devil at My Heels. Et les deux autres, c'est des nouvelles positions. Oui, en deuxième position, The Canticles avec Juice. Et en première, Slow King avec Rival Cities. Ouais. Et le top 30 des albums, on vire la page un petit peu. Merci. J'ai oublié pour tantôt, je m'excuse. C'est pas grave. Il y a la 18e position qui est nouvelle, c'est Ween avec l'album La Cucaracha qui était le coureur de la semaine. La cucaracha. L'album de la semaine dernière au poste d'écoute, les vendredis matin à 10h. C'est fascinant, n'est-ce pas? En 16e position, on les a entendus tantôt, c'est The Hives avec The Black and White Album et c'est tout pour les nouvelles entrées. En 3e position, on a The Figurines avec When the Deer Were Blue qui est, ma foi, un très bon album. Oui. En 2e position. Oui, je m'excuse tout de suite. Non, j'allais dire oui, c'est très vrai. En 2e position, pour une 7e semaine d'affilée, The Canticles avec Juices and a. And the first position is Slow King with Rival Cities. Bravo, thank you, Virginia. Virginia Beach. Ling, ling, ling. On retourne à nos palmarès standard. La 10e position anglophone, c'est Agua de Annick ou Annick Delo avec Witnesses qui monte de 3 places. Mais justement, je vous aime, mes amis, par le Husky. Au palmarès, c'est fou, 89 FM dans vos oreilles. Vos oreilles. Se déroule sans moi. Tous les beaux moments, je ne les goûte pas. Celui qui vous passe est un autre que moi. Si je suis vivant, eh bien je ne sais pas. Où que j'aille, je ne suis jamais à ma place. Mes sourires ressemblent plus à des grimaces. Et porter un masque, je trouve ça dégueulasse. J'en ai plus qu'assez de traîner ma carcasse. Oui, je sais les oiseaux chanter, les filles sont belles. Et j'avais des rêves grands comme des gratte-ciels. Mais les choses maintenant ne sont plus pareilles. Bientôt sera venue l'heure du grand sommeil. La lune est pleine, je pleure comme une fontaine. Couchée à côté de l'auto américaine. De mes parents, je suis sûr qu'ils m'aimaient. Mais le monoxyde commence à faire effet. Je serai Aguad et Annick avec Witnesses en 10e position anglophone. Ça monte de 3 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Mais juste avant, une autre nouvelle entrée la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Je vous aime, mes amis. Du Husky. C'était pour ça. Petit résumé de la première heure des palmarès. C'est fou. Du côté anglophone, on avait deux nouvelles entrées. The Hives avec Tick Tick Boom et Sundry Lurky avec Let My Love Open the Door. En 13e, c'était plus 2 pour Sack & Kids de We Are Wolves. En 12e, Artist of the Year avec Fun Factor. En 11e, I Get Around de Dragonette qui est stable. Mais du côté francophone, on avait du... Par contre, non, là, contrairement à l'autre côté. Bref, en 15e position, on avait Avec ton sourire de Alexandre Champigny. En 14e, Je sais que tu m'aimes, les chiens. En 13e, Pawn Shop de Gatineau. C'était nos 3 nouvelles entrées de cette semaine. En 12e, Hippocampe de El Motor. En 11e, Le Mirage de Téléphérique. Ben oui, dans deuxième heure des palmarès, c'est fou. On va entendre entre autres les Psycho Riders, 011, Kid Sentiment, Jack G. Marinovich, Johnny Holo, Steve Hill, Baby Woodrose, The Go Team. Essayez-nous pour ça et on va dévoiler nos grands numéros 1 d'ici la fin de l'émission. Il nous reste 2 heures. 2 heures? Et oui, mais c'est nouveau ça, 2 heures. Wow. Oh, on est à peine habitués. Pas encore, c'est dur. Et vers la fin de l'émission, dernière demi-heure environ, ça va être Écoutons la Dola. Chanson. On va vous présenter notre propre palmarès. Personnel. Ben oui, restez avec nous pour ça, hein, ça va être beau. Oui. Et allez voir le www.unechance.com pour avoir les liens de nos chansons et pour télécharger la balado-diffusion. Bravo, Mathieu. Quoi? T'as dit chanson. chanson. Chanson. Au lieu de toune. C'est pas beau, toune. Faut vraiment arrêter de dire ça. C'est pas. C'est pas chic. Tellement. Ben, c'est fou, son retour dans deux minutes. Restez là. Bonjour, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 11 au 17 janvier 2008. Virginie Cossette attendait que je dise ma petite phrase parce que c'est la même à toutes les semaines. Et voilà. Et je m'appelle Mathieu Plante. Et Virginie Cossette, c'est moi ça. Hein? C'était toi c'est... ça. C'est par puissance de déduction. Ouais. C'est toi, Virginie Cossette. Est-ce que j'ai un morceau de robot? Ouais, mais je suis pas courant, moi, de ça, cette tradition-là de dire morceau de robot. J'ai pas été élevé avec ça, moi. Ça vient d'où, ça? Je sais pas où ça vient de où, mais... On l'entend souvent. Ouais. C'est une référence qui va à la génération avant la mienne, j'imagine. Probablement. Parce que Mathieu, t'es quand même vieux. Hein? Ouais, 16 ans. 14. J'en ai donc 12. C'est ça. Bon, assez de niaiserie. On est rendu à nos 9e, 10e. 9e édition des Palmarès C'est Fou du côté anglophone, c'est plus 3 pour Baby Woodrow avec Someone to Love. Et en 9e position, plus 1, Elle nous rendra de Geneviève et Mathieu. Tu m'imites, hein? Oui. T'aimes ça m'imiter? Ben oui. C'est bien ça. Je le sais. C'est réussi. Merci. Bravo. Rose et Someone to Love en 9e position anglophone, ça monte de 3 places. Wow, on espère que ça va monter encore. Ben, on aimerait ça. Oui. Love. Oui. Harry. Du côté francophone, on avait El Noranda de Geneviève et Mathieu. Et oui. Qui monte juste d'une position. Oh. Pour une troisième semaine. Donc, il y a encore le temps de monter. Oui, oui, oui, oui, oui. Ils ont du temps en masse. Oui. Et des choses pires. Oui. Des choses plus dures. Oui. C'est ça qu'elle a dit. On l'a vu en même temps, hein? On l'a-tu l'affaire? Ouais, on l'a timé. Du côté de la 8e position anglophone, c'est Elbow Beach Surf Club avec Same Set qui monte d'une position. Et du côté francophone, qui monte aussi d'une position, Sabrina de Kid Sentiment. Parce que maintenant, on dit pas grand-chose dans l'émission, hein? Non, c'est vrai. Prochain bloc. On jase. On jase de disques vendus. Oh, Rihanna. Hein? Please. Rihanna. Oh, palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Dans vos oreilles. We'll be right back. Pebble Beach Surf Club avec Same Side en position numéro 8. Ça a monté d'une place par rapport à la semaine dernière. Oh là là! Oh là là! Et la position francophone aussi a remonté d'une place. Oh là là! C'était Sabrina, de Kid Sentiment. Un enfant qui a des sentiments. Ah ben, hey, merci de la traduction! De rien. Sabrina! Je suis quand même très bonne là-dedans. J'aime ça les traduire. Ben oui, je vois le talent est là. Là. C'est mon fan noir. Talent à revendre. Invitons tous Jerry Springer. Oui, oui, Jerry! C'est bon, j'ai bien un par exemple. Oui. Moi, j'aime bien ça. J'aimerais bien ça qu'on l'ait à côté de nous. C'est freak un peu, mais en même temps, c'est tellement divertissant de voir les gens jouer leur rôle à merveille comme ça. Voilà. Le talent, en tout cas. Donc, avant de continuer nos prochaines positions des palmarès, allons voir les disques qui se sont le plus vendus pour la semaine qui se termine le 10 janvier 2008. Là, j'essaie de voir s'il n'y avait pas de nouvelle entrée. Il n'y en a aucune. Est-ce dans que tu le veux top que je fasse ta trame sonore quand tu présentes des chansons que je connais? Ben, bien sûr, même que je vais enlever mon fond, tu vas faire mes petits extraits musicaux. D'accord. Tu peux laisser le fond, là, mais... Ah, OK, ben pas c'est fort. Pas grave. Pas fort. En cinquième position, c'est Alicia Keys avec As I Am. Ah, je la connais pas. OK. Ben, non? Ben, pas assez. Non, mais je veux dire, je connais pas de chanson. Mais tu connais une toune d'Alicia Keys que tu pourrais chanter pareil? Non. Non? Continue. OK. Merci. Quatrième position, c'est Celine Dion avec Taking Chances. Laquelle tu veux que je chante? Hein? Je sais pas, moi. Celle que ça te tente? J'irai où tu iras. On paye ça à toi. Quel succès, cette expérience. J'irai où tu iras. Qu'importe la place. Oh, tu vas aimer la troisième. Oh, non. Tu vas aimer la troisième, Virginie. C'est Rihanna, Rihanna avec Good Please Girl Gone Bad. The music. En deuxième, la compilation Match Dance 2008. Oh, là, non, là. N'importe qui de Match Music, non? Okay. Non. Et en première, c'est Radiohead avec In Rainbows. C'était le numéro 180 la semaine dernière. Ça a monté en flèche. Figuramment. Figuramment. C'est figurant, ben oui, c'est... hein? C'est ça. Figuramment, on pourrait pas mieux dire. Hein? Qu'est-ce qui se passe ce soir à l'université? Oh, les gens qui crient. C'est pas longtemps. Hey, on se demandait justement pourquoi la chasse-galerie était aussi remplie en un vendredi soir. Là. Voilà. C'est... Fulgurant. Moi, je disais que c'était peut-être un abri nucléaire. Peut-être que c'est la fin du monde. On entend la sirène, d'ailleurs. C'est la fin du monde. C'est la... Oh mon Dieu, on va tous mourir. On peut m'arrêter fou en direct à la radio. On peut pas croire ça. D'accord. Oui, on est rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. C'est Steve Hill avec Devil at My Heels. Mais du côté francophone, c'était la première fois. Pourquoi tu dis « mais » du côté francophone? Autant que moi, je dis « toon », toi, tu dis des affaires qui n'ont pas rapport. Pente, hein? Pente. Oh, palmarès, c'est fou au 89.1 FM. C'était la première fois que je voyais le plus fort de l'amour. Si on peut appeler ça, je le manoir. C'était la première fois que je voyais le plus fort de l'amour. J'étais horrifiée et fascinée à la fois. J'étais horrifiée et fascinée à la fois. Malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Malgré ma répulsion, malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Je ne pouvais détacher mon regard du dégradant spectacle de cette acuité en bestiaire. C'était la première fois que je voyais le plus fort de l'amour. Si on peut appeler ça, que le manoir. c'est Devil at My Heels. C'était la première fois, 0 à 1, juste avant. Wow, mais quel bon Blackie Rock! Hein? Oui. T'es d'accord? Très d'accord. Je pense que ça valait la peine de dire ça rock et fort. Ça rock et fort. On est rendu au position numéro 6. Mais avant de passer au numéro 6, ça me tente de faire une autre chose exotique dans les palmarès. C'est-à-dire parler des pièces les plus téléchargées. Exotique, là. Quoi? C'est comme nos palmiers, ça. Comme des palmiers. Ben oui, comme vous, les palmiers à la maison. Vous êtes tous exotiques, là. Oui. Hey, est-ce que hein? tu savais ça, que coconuts, ça veut dire noix de coco? C'est coconuts, nuts, noix. Tu, ben, voyons donc, hey. As-tu d'autres de même? Des affaires que, qui vont m'impressionner, là. Non. Comme, mais tu sais, quand même, c'est exotique aussi, une coconut? Ben oui. Une coconut? C'est ça. Je pourrais... Non, je pourrais pas. Porte en espagnol, c'est puerta. Puerta? Puerta. Puerta. I'm gonna take the puerta. Tu devrais voter en cette année. Hey! C'est pas vrai. Merci pour cette leçon d'anglais, Virginie. Allons voir donc les pièces les plus téléchargées sur Apple iTunes. En cinquième position, on retrouve Fergie avec Clumsy. En quatrième, c'est le succès de l'heure. Il joue, cette pièce joue sans cesse sur Radio Apologize 102.3 Mauricie. Radio Apologize. Ça devrait être leur nom. Ça devrait être leur nom. Donc, de Timbaland featuring One Republic. Ou on pourrait dire One Republic featuring Timbaland. Parce que Timbaland n'est pas là très très longtemps là-dedans. En troisième, c'est Finger Eleven avec Paralyzer. En deuxième, c'est Sarah Barry avec Love Song. Et en première, c'est Flo Rida avec Low featuring T-Pain. C'est quoi, Flo Rida? Flo Rida. Flo Rida. Flo Rida. Yeah. C'est hot, c'est qu'on pourrait dire Tri-Rivers. Tri-Rivers? Tri-Rivers. Flo Rida. Flo Rida. Yeah. Oh yeah. Hey. On est à la radio. C'est super. On rock. Donc, on disait nos positions numéro 6. Du côté anglophone, c'est Johnny Hollow avec Superhero. Mais juste avant, je vais m'en aller en dessous de la table pour la chanson En dessous de Jack G. Marinovich. Elle y va pour vrai. On la voit. Non, sérieusement, elle est vraiment présentement en dessous de la table. C'est quelque chose. Dis donc, les palmarès, c'est fou en criant demain. Les palmarès, c'est fou! Je sais pas si on l'a entendu, mais c'est ça. Au 89 FM. Dans vos oreilles, Katie. Les cymbales par la fenêtre et le reste par la porte. Il doit l'avoir trompé. Ou elle en a tout simplement marre. Au premier coup d'œil, on l'aurait dit calme et tendre. Elle est sûrement aussi, mais pas dans ces moments. Ça doit être la tasse, mon amour pour toujours. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. Écoutez les palmarès, c'est fou, et tout de suite voici le numéro 6 anglophone, Johnny Hollow et Superhero. Johnny Hollow et Superhero en 6e position anglophone, ça monte d'une place, c'est de l'album Dirty Hands. Une autre position qui monte, une autre chanson qui monte d'une position, en dessous de Jack G. Marinovitch. Je suis sortie d'en dessous de la table. Ah ben oui, gadon, pour continuer à animer. Merci Mathieu de remarquer ma présence. Ça me fait plaisir d'être là, hein Mathieu? Ouais, t'as raté ma blague pendant que tu disais ça. C'est pas grave, je suis sûr que... Non, c'est ça. Parce que je veux pas vraiment l'entendre. Je disais, je te sentais encore pourtant. OK. Oui, donc on disait que c'était Jack G. Marinovitch. L'album s'appelle Jack O'Rama. Oui. Et tu dis rien? Non, je dis rien. Je suis dépassée par les événements. Ouais. Ah, les blagues et les croches qu'on peut faire en une soirée. Hein. Ça n'a pas de sens. Même pas d'ailleurs. Mais on n'est pas si pire à soir. Non, on garde ça... on garde ça, comment dire? On garde ça en dedans. On garde ça en dedans. Ouais, c'est ça. On se garde une petite gêne. Ouais, ouais. OK, moi, je dis... Oui, oui, puéril. Puéril, ça veut dire quoi, c'est puéril? Hein? Ah, c'est enfantin. Ouais. C'est puéril. Je puéril. Tu pues les RL. Ah, non, c'est correct. On fera pas comme la semaine passée. La semaine passée, il y avait tellement de blanc pendant qu'on riait. C'est comme ça arrêtait. Et on savait pas où on s'en allait pantoute. Non, vraiment pas. Un peu comme à ce moment. Un peu comme là, là. C'est inconfortable un peu. Un peu. Ouais. En tout cas. On vous remercie d'écouter quand même. Merci beaucoup. Et de tenir la route avec nous jusqu'à la fin. Parce que vous n'avez pas notre poste de radio dans votre voiture, mais non. On s'en excuse. C'est notre faute, on a saboté les antennes de toutes les autres radios pour que vous ayez que c'est fou. Écoutez. C'est pas moi. Non, mais j'espère... Non, c'était moi, en fait. OK. Mais j'espère que les gens sont assez vite pour tenir le bouton numéro 6, OK? Tenez-le, là, et ça va setter, comme on dit, le c'est fou dans votre bouton. La plupart des autos, c'est comme ça qu'on fait. C'est bien, comme ça! Il y a plein des gens qui savent pas comment setter leur radio puis qui me demandent, mais qu'est-ce que je fais pour mettre ces fous sur un de mes presets? C'est ça! Pour vrai, je savais pas. Non, mais tu m'y aises, par exemple. Ça fait 2 ans que j'ai ma voiture et que je cherche comment setter mes boutons. Pour vrai? Et que je le savais pas. Wow. Merci, Mathieu. Et avoir mon visage, tu sais que je pense. C'est même pas sarcastique, le pire. C'est même pas sarcastique. Wow. Aïe, aïe. Je vais pouvoir setter mon radio. Il va te rester ton micro-ondes et ton magnétoscope maintenant, c'était. Puis ma télé. Et ta télé. Mon ordinateur. OK, ouais. Mon lecteur MP3. Ton lecteur MP3, hein. Mon cellulaire. OK. Ah non, il marche plus. C'est pas mal tout. Ça fait le tour. Ben, t'as peut-être d'autres affaires, mais là, on n'en parlera pas, par exemple. Non, non. Ça, c'est juste un off d'habitude. Juste un off. Un petit bouton en off. Ouais. Des fois, faut que tu twistes le bout. Ben, c'est encore drôle, la star, hein. Il y a des options là-dessus maintenant, c'est pimpé, t'as l'option. Je teste 1, 2, 3, 4. Hey, ouais, tu vas mettre trop dans les détails, là, ma chère, tu vas trop dans les détails. 5e position anglophone, c'est The Sadies avec What's Left Behind qui est tout à fait stable. Et je vais dire la 5e francophone parce que Virginie est en train de se crouler de rire. Les Psycho Riders et de s'étouffer en même temps. Avec les cafards tout de suite au Palais C'est Faux 89.1 FM. Tout de suite à la vitesse maximale du 89.1 FM. Virginie, ça va? Tripping on what we have left behind. De Saddies. J'essaie de trouver à quoi ça ressemble. Ben là... Ça me fait penser à quelque chose, mais vite comme ça, je peux pas te dire quoi. C'est super pertinent comme commentaire, ça, Virginie. Ouais. On apprécie que tu partages avec nous. Mais je vais chercher, puis je vais vous en reparler la semaine prochaine. C'est super, ça! Félicitations. Justement, c'était... J'ai l'air chien en disant ça, mais c'est le cas. Cinquième position francophone, c'est les Psycho Riders avec les cafards qui montent de la 11e, c'est leur album Le Gouffre aux Chimères. Et on s'en va entendre au numéro 4, n'est-ce pas? Ah, n'est-ce pas? On avance très vite aujourd'hui. Hein? Oui, on va avoir plein de temps pour nous. Je pense qu'on va trouver des choses à dire tantôt. C'est pas inquiétant. Non. Grip Like a Vice de The Goat Team. Ah, oh, mais attends une minute. Oh, c'était le numéro 1, ça, la semaine passée. Oh, oui, c'est vrai. Ça a descendu de même, c'est clair. Ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1. Mais ça, c'est le fun. Puis je l'ai vu. Non, attends, je l'ai pas vu. Mais j'entends dire que c'est très bon, le numéro 1 qu'on a présentement. C'est toujours bon, le numéro 1. On sait pas d'avance d'où ce qu'on va jouer. On n'a pas de feuille avec toutes les pièces décrites dessus. On est comme vous, on attend le suspense. Voilà, ça nous arrive sur un écran... LCD, oui. VWZ, là, les lettres, les chiffres. HD. Je vais hacher une voyelle, s'il te plaît. Merci. Un, s'il te plaît. Du côté francophone, la position numéro 4, c'est Tricot Machine. Oui, une histoire de mitaine. Et ça commence tout de suite au Palmarès des Fous 89.1. J'avais un trou dans le pouce et j'étais carotté. Je me suis retrouvée dans ce lodge, la gratte venait de passer. Tu comptais sur 5 doigts et tu étais couché. Tu es tombé d'une poche sur le trottoir glacé. J'ai failli me noyer, pour te faire écraser. Mais des passants dévoués nous ont accrochés. Moi sur un barcomètre, expiré mais quand même. Pour toi, souffle plus dur. Sur un pic de clôture. Petite rengaine, plus ou moins réussie. Une histoire de mitaine, plutôt mal assortie. Une histoire comme je les aime, toutes effilochées. Avec un happy end qui vient tout rattraper. Je faisais des tatas de bord en bord de la rue. Tu faisais ton tarla comme si t'avais rien vu. Une main m'a ramassé en fin d'après-midi. Poursuivant son chemin, elle t'a pris toi aussi. Tout mouillé en tapant dans un sac d'épicerie. L'air de contre-cuir, tu m'as enfin souri. J'ai vu que t'étais pas con. Vu que j'étais droitière, on a séché ensemble.

The Go-To. Oh, yeah. Je me suis remis de mon étouffement. Oui, t'es je suis de retour. D'accord. The Go Team qui est en quatrième position, c'était le numéro 1 la semaine dernière, donc on a un nouveau numéro 1 tantôt. Et juste avant, c'était Tricot Machine avec une histoire de mitaine. Ça monte de deux places avec leur album éponyme. Est-ce que ça se rendra jusqu'en première? Bonne question. J'ose l'espérer. On verra bien. Tricot Machine, c'est adorable. Oui. Maintenant, c'est l'heure de parler de gens stupides qui font des choses stupides dans la chronique Le Plancher. Hey, on parle de moi? Non! On commence notre tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides à Berlin. Pour prouver à son épouse qu'il était sobre, un Allemand s'est rendu en voiture et en famille au poste de police de Nibul, près de la frontière germano-danoise, avec dans le sang 2,2 grammes d'alcool par litre. L'homme à qui sa femme reprochait d'avoir bu de l'alcool a décidé de se faire confirmer par la police qu'il était sobre et a conduit son épouse et ses trois jeunes enfants au poste. Selon la police de Husum, dans le nord-ouest, un policier lui a aussitôt demandé de souffler dans le ballon et lui a fait une prise de sang. Résultat, le père de famille encourt une amende pour conduite en état d'ébriété. C'est pitoyable. Pathétique. Hey, 2,2 grammes. 1000 grammes, en tout cas. C'est... Quand notre limite à nous est à 0,08. Je veux te dire, c'était 2,2 grammes d'alcool. Ouais. C'est immense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il était très sous. On passe à Rome, où une institutrice milanaise a été condamnée à 2 mois de prison avec sursis et 7000 euros d'amende pour avoir coupé avec des ciseaux la langue d'un élève de 7 ans trop turbulent. Le tribunal a toutefois reconnu que Rosa Siliberto n'avait pas intentionnellement blessé l'enfant pour le faire taire, comme l'affirmaient la police et la prison. Le procureur Marco Gazzi s'est dit choqué par la clémence du tribunal et n'a pas exclu de faire appel. La défense a plaidé l'accident en partie dû en février dernier à l'hyperactivité de l'enfant qui a reçu 5 points de suture. Hey, ouais. J'ai mal. C'est fou. Maintenant, on passe, tiens, pourquoi pas, à Monterrey, où un enfant mexicain de 10 ans qui voulait pas retourner à l'école le jour de la rentrée des classes, il a utilisé une colle industrielle pour se coller une main à l'armature de son lit. Hein, et je cite, je savais pas comment éviter de retourner à l'école. Je me suis dit que si j'étais collé au lit, il pourrait pas m'obliger à aller à l'école. Je voulais pas y aller, c'était bien trop le fun des vacances. C'est ce qu'a dit Diego à l'agence France-Presse. Après des tentatives infructueuses de la mère de Diego, les services médicaux d'urgence et la protection civile sont parvenus à séparer la main du mineur de la tête de lit métallique avec un spray qui a permis de dissoudre le produit chimique sans blesser l'enfant. Après l'intervention, Diego a pu regarder un moment des dessins animés avant de devoir se rendre à l'école où il est arrivé avec quelques heures de retard. C'est bien ça, les parents. C'est ça, les parents, ouais, tu sais. Ouais. Ils punissent pas leur enfant. Ils disent « Va regarder des dessins animés, puis c'est correct. » On s'entend que l'enfant, là, il veut pas perdre ses vacances, mais une main collée au lit, là, tu fais pas grand-chose de tes vacances. Non, hein? Ah, oh, ça me devance. On fera d'autres nouvelles tantôt, mais pour l'instant, voici nos numéros 3 du côté anglophone, c'est Figurines avec Hey Girl. Et du côté francophone, tout le monde parle. Tout de suite. Ah, c'est fou. Sacré le camp,

T'as failli chanter encore dans le micro un peu. Comme à toutes les semaines, cette toune-là joue à la radio. Ben, c'est une bonne toune qui joue dans votre radio. C'était Hey Girl de Figurines. C'est la position numéro 3 anglophone. Ça monte d'une place. Mais juste avant, on avait Bruno Marsil qui chantait tout juste pour nous. Tout le monde parle. On va faire un petit résumé des positions 9 à 4 qu'on a joué depuis le début de la deuxième heure. Du côté anglophone, la 9e, c'est Baby Woodrose avec Someone to Love. En 8e, c'est Elbow Beach Surf Club avec Same Side. En 7e, on retrouve Devil at My Heels de Steve Hill. En 6e, c'est Superhero de Johnny Hollow. En 5e, What's Left Behind de Cities. Et en 4e, c'est The Go Team avec Grip Like a Vice. En 9e position, du côté francophone, on avait Elle Noranda de Geneviève et Mathieu. En 8e, Sabrina de Kid Sentiment. En 7e, c'était La Première Fois de 011. En 6e, En Dessous de Jack G. Marinovitch. En 5e, qui a monté, ma foi, de la 11e position à la 5e, Les Cafards de Psycho Riders. Et en 4e, Une Histoire de Mitaine de Tricot Machine. Dans la 3e heure des Palmarès, c'est fou, on va entendre les numéros 2 et les numéros 1. On les nomme pas tout de suite, évidemment. Non, c'est un suspense. Et plus tard, ça va être Écoutons la dans la chanson. On va présenter notre propre palmarès personnel, nos pièces qu'on aime bien entendre, on vous gâte avec ça. Et on va écouter de la salsa. Oh oui! Salsa! Salsa! C'est bon, la salsa! Parce que ça ne se mange pas juste avec des chips. Non. Ça se danse aussi. Mais ça me tente, par exemple, des chips. Aussi. Peut-être aussi dans la troisième heure. Peut-être. Et d'autres nouvelles insolites? Restez avec nous, les palmarès, c'est fou. C'est que le meilleur de ce que c'est fou à vous offrir, c'est dans vos oreilles. Bon retour, elle chante même le thème de l'émission, cette Virginie. Elle est inhabituée. Une enfant prodigue. Prodige. Dis-je donc. Bon retour, c'est la troisième heure des palmarès. C'est fou. Les palmes pour la semaine du 11 au 17 janvier 2008. Je me suis craché sur la bouche et je m'appelle Mathieu Plante. Je me suis pas craché sur la bouche et je m'appelle Virginie Cossette. Bonsoir à vous à la maison. Vous soyez, merci d'être avec nous pour cette troisième heure de l'émission qui vous présente un condensé. Bonsoir à nos palmiers, Mathieu. Bonsoir à nos palmiers, Mathieu, c'est ça que je voulais dire. Bonsoir. OK, ben assez d'accueil. On a accueilli les gens en bonne et due forme, je crois. Ils se sentent accueillis, ils se sentent dans nos bras. Ils se sentent chez eux. Ils sentent bons aussi. Ça sent bon. Ou encore. On s'en va entendre au numéro 2 et 1 dos à dos. On n'en nomme personne, mais on vous laisse tout ça mijoter dans la tête. Telle une mijoteuse. Est-ce qu'on les fait dos à dos, on verra. Bac à bac. Peut-être pas. Il y a ça des fois d'être pas dos à dos aussi. Non, non, non. C'est comme nous voudrons. Bon, on va les laisser faire. On sait comme ils veulent, de toute façon. Nous sommes les spectateurs. Et rendu là. Pas dans la toune. La toune à radio. Pas la toune à radio. Deviennent ennuyeux à la longue. Cela ne ressemble plus au premier voyage. Enfin bon, la nuit parvient encore à nous faire croire un tas de choses, un tas de choses. Venu d'à peu près toute croyance, l'existence, un désert immense. Enfin bon, la nuit parvient encore à nous faire croire un tas de choses, un tas de choses. N'a pas suffi. Il faut se rendre à l'évidence. C'est un bonheur de croire un tas de choses. Comme un enfant, un débutant.

kind of fun. C'était les numéros 1 des Palmarès C'est fou pour la semaine du 11 au 17 janvier 2008. Mais avant de dire quels sont les numéros 1, les numéros 2... On va commencer par les deuxièmes. Pourquoi pas? On a entendu du côté anglophone The Consecos avec Raised by Wolves. Et du côté francophone, Train de Jérôme Minière, notre ancien numéro 1. Absolument. Absolument. Numéro 1 anglophone, c'est Slow King avec Vicinity de l'album Rival Cities qui monte de la deuxième place. Et du côté francophone, une montée quand même de 3 positions, Phantom Dinosaur, Hot Spring. Une pièce qu'on a décodée à Comprenons-la donc la chanson la semaine dernière. Oui. J'espère que vous n'avez pas raté ça. Hein? On l'espère. C'était sinon, plutôt drôle. On comprend pas la chanson. Ben sinon, allez voir le www.unechance.com parce que c'est là que vous allez retrouver, un, les liens de nos gens stupides qui font des choses stupides, les liens vers les groupes et les pièces de Écoutons la la chanson et la balado-diffusion en MP3. Vous pouvez écouter les émissions au complet à chaque semaine et il y a des archives, donc vous pouvez aller jusqu'à dans le passé lointain entendre les palmarès du bon vieux temps. Wow. N'est-ce pas, la technologie, là, c'est génial. C'est un site, ma foi, rempli d'informations. Comme on dit, une chance qu'on a une chance.com. Chance. Hein? Ouais. C'est fiu! Ouf! Fouah. J'avais la sueur au front. Et du gras. Dans la dernière demi-heure, ce sera Écoutons la la chanson, donc on revient avec ça. Et puis, pour l'instant, ben, on se quitte. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire dans Écoutons la la chanson tantôt? On va écouter du... On va écouter du Pascal Picard, du Band 23000, de la salsa, peut-être. Mais ça va être super bon, ça. On va danser. J'ai hâte. Je m'en peux plus. Ouais. Restez avec nous, ça vaut la peine. Pendant 29 minutes après les palmarès, c'est fou! Écoutons la donc, là! Chanson! Voilà! Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Écoutons la donc la chanson. C'est l'émission qui, chaque semaine, vous permet d'entrer dans notre propre palmarès personnel pour reprendre la phrase qu'on reprend à toutes les semaines. Absolument. C'est la coutume de vous permettre de vous infiltrer à travers l'équipe des palmarès qui, cette semaine, ben, comme la plupart du temps, c'est moi-même Mathieu Plante. Et moi-même Virginie Cossette. Mais on aura peut-être des invités spéciaux. Des invités spéciaux. Ouh. Mais mon Dieu, ça n'arrive jamais, ça. Non. C'est une première. Une première. Ce sera la première fois que... C'était la première fois. Hein? Ah, bon. On n'est plus dans les palmarès. C'est moi qui commence cette semaine. Oui. Faire changement. J'ai choisi une pièce de l'album Il était une fois dans l'Est d'Antoine Graton et on va écouter Caro... on va écouter Le Monde. Ça me tente d'écouter Le Monde, en fin de compte. On écoute Le Monde. Parfait. Le Monde. Moi, ça me tente toujours d'écouter Le Monde. Et moi, j'aime toujours, comme dans le bon vieux temps là, des palmarès, il y a ça des années, j'aimais écouter l'introduction de l'album et faire un décompte avant que la pièce commence. Moi, j'aimais bien gros faire ça, fait qu'on va se remettre dedans. Merci, Mathieu. Moi aussi, je t'aime bien, hein. Non, je t'ai... Ah, non, c'était pas... Non, pense pas que le bon vieux temps veut dire que c'est mauvais maintenant. Oh, non. 5, 4, tu gâches mon moment. 3, 2, 1, là. Maintenant, là. Écoutons-la donc, la chanson. Je le dis tout seul. Les guitares jusqu'au matin. Les parfums de la veille sur les vêtements du lendemain. Les amours, les amitiés. Tous les moments de simplicité sont des choses que je commence à oublier. Le monde est plus comme avant. Tout le monde fait quelque chose quelque part. De temps en temps, tu t'ennuieras pas de moi. T'as plus le temps, énormément. On s'oublie mais on se comprend. toujours à même place. Le monde est plus comme avant. Tout le monde fait quelque chose quelque part. For a while. Won't be here for a while. Nothing more than a silent scream inside. So what you wanna hear about self-control? Talking a little louder than you. You all freeing myself from what I just don't wanna hold. I'm sure far away from me you'd feel better than down here. Why don't you take a look at this bed and then we'll see. Cause I never be your bed far away from me. Why don't you try to keep your distance? That's so weird, trying to listen myself. As long as I won't be for a while far away from me. I know I may be rude, but failing is always cruel. Don't wait for me to stand next to you. Won't be here for a while. Won't be here for a while. Won't be here for a while. Thank you. won't be here for a while. C'était Pascal Picard avec A While. A While. A While. Ça vient de la compilation des pourris de talent. Là. Enfin, le nouveau talent à Musique Plus. Oui. Très, très bonne compilation. Ça fait un petit bout, si je me trompe pas. Mais quelques c'est années pas... au moins. Oui. C'est pas si vieux que ça. Mais j'aime bien la Pascal Picard toute seule. Moi aussi, j'aime bien Pascal Picard toute seule. Avec le band, c'est bon. Là. On s'entend, c'est très, très bon. Mais acoustique, c'est encore mieux. Ah, oui. Très, très bon. Il y a deux pièces d'elle sur l'album des pourris de talent réalisé par Serge Fiori. Et il y a d'autres formations, d'autres personnes, dont Trois gars sur le sofa qu'on aime beaucoup. Et The Hot Springs. Ah oui? Moi, c'est là que j'ai découvert The Hot Springs. J'adore ça. Et les guêpes, la pièce qu'il y avait là-dessus est très, très bonne. Bacteria aussi, que j'ai bien aimé. Ah. Et puis, il y a un groupe local, Un, aussi là-dessus. C'est bien de Trois-Rivières, Un? Un, ouais. C'est bien ça? Ouais. Si je me rappelle bien, Un, ça vient de Trois-Rivières. Faisons comme. Je crois bien que oui. Faisons comme Un. Ouais. OK. Donc, dans ce bloc musical, juste avant la pièce de Pascal Picard, ben, j'ai présenté Antoine Graton avec Le Monde qui vient de l'album Il était une fois dans l'Est. Oui. Dans le prochain bloc, on s'en va entendre Tricot Machine avec La pluie. Mais juste avant, Je vais vous présenter Le choix de Mathieu. The Beastie Boys. Oh. Leur album Seul Gold Hits, leur compilation de bons succès là, des Beastie Boys. Et voici tout de suite. Vous allez la reconnaître. Ah oui? Check it out! Oh. Écoutons la don! La chanson! Klingons in the fucking house. Grab your back street friend and get loud. Bullet doors off inches. Grab you with the pinches. And no, I didn't retire. Snatch it off with the needle nose pliers. Black kids will overhaul. With the U-Bones you've never seen before. Riding in the glaze. And I'm going to keep you no one get paid. Like a place in with the basil. Not to be like there in a hazel. I'm a motherfucking Nick and Knight. Red Packers be running, they know all right. Now, we ain't call no love cause my farm ain't fast. So what's up with that? I got friends and family that I respect. When I think I'm too good, they put me in check. So believe when they say I'm no better than you. Except when I rap, so I guess it ain't true. Like that troll and you just don't stop. Guaranteed to make your body roar. Check, check, check, check, check, check it out. What's it all about? We're working out, let's turn this motherfucking party out. Say, Doc, what's the condition? I'm a man that's on a mission. Son, son, you better listen. Fuck in your ass is an electrician. Like a scientist. When I'm applying this method of controlling my mind, like I'm trying to wrap the tube with what? Now, hey, nigga, but now what the deal? I didn't know you're going for that mass appeal. So I'm calling Mr. Lucci, some of my potato. Hey, I stole your mic, but you won't see it later. Abracadabra, oh. And the whip, I'm gonna cruise past ya. Your money, don't jump yourself. Put that shit back on the shelf. Shock rays blazing, you out of phase in. The crew's amazing. We're working on the record, y'all, so just stay patient. Check it out. What's it all about? Cable guy dumped off of your crown. I flow like smoke out of chimney. You'll never been me. You wanna rap with your picking in hip hop beat? Oh, now get your toes right out the dryer. Put on a roll up on the tire. Put that fresh attire. Now you're going out, set the town on fire. Set the town ablaze. Gonna stun and amaze. Ready to throw a praise. Make it ready, shake your head, say, now check it out. What's it all about? attends que ça passe. J'ai pas mon humeur des beaux jours. J'suis fatiguée de paresser. J'devrais me lever, mettre mon impair. J'veux pas sortir, j'ai plus de plaisir. On dirait que tout me tombe ses nerfs. J'ai un secret quand j'change de pièce. Et ben c'est chez toi que j'arrive. Ça fait du bien, cette chanson-là. Oui. La pluie. C'était quand même adapté aux trois derniers jours. Ben oui. Ouf. Tricot machine. Il y avait une certaine détonation entre ma chanson et ta chanson. Ben, on aime ça comme ça. Moi, je veux pas que les pièces se suivent et aient du sens. Sinon, ça n'aurait pas vraiment de but. Ça se suit, mais ça ne se ressemble pas. Justement, c'était les Beastie Boys avec leur album Solid Gold Hits, que les succès et la pièce Check It Out. Ouais. Prochain bloc, on va entendre... du Brand Van 23 000. Mais moi, j'ai commencé par une pièce d'un groupe qui s'appelle Eux Autres. Mais avant de faire ça, j'ai envie de faire une autre mini, minuscule partie de gens stupides qui font des choses stupides. Et on commence notre tour du monde à Sydney. Un Australien qui s'était endormi entre les rails d'une voie de chemin de fer s'en est miraculeusement sorti avec quelques égratignures après le passage d'un train, selon la police. Le jeune homme de 20 ans faisait un somme allongé sur la voie lorsqu'un train est arrivé à l'aube à Port Augusta dans l'état d'Australie méridionale. Le conducteur a aperçu l'imprudent dormeur ivre selon la presse locale, mais n'est pas parvenu à stopper la locomotive, laquelle a poursuivi sa route. Le jeune homme assoupi dans un léger creux en a été quitte pour quelques égratignures. C'est vraiment un coup de chance que ce soit allongé de cette manière et que le train soit en fait passé au-dessus de lui au lieu de lui rouler sur le corps, selon le directeur de la compagnie ferroviaire Freightlink. Le jeune miraculé a été hospitalisé, mais devait sortir dès vendredi, donc aujourd'hui, c'est ça, dès aujourd'hui. Voilà. Mais là, lui, il est parti de chez eux, puis il s'est dit, je vais aller faire un somme. Mais oui, pourquoi pas? Il s'est couché sur une rail de chemin de fer. Pas vite, le gars, hein? Quel endroit où, tu sais, il y a plein de places où dormir, ça, il me semble, même gratuitement. Sur une roche. Sur un banc de parc au pire. Au pire. On continue à Montpellier. Un homme de 88 ans a été blessé dans le village de Lunas par un sanglier qui avait pénétré dans la maison de son voisin et qu'il avait pris pour un voleur. Hein? Touché à l'artère fémorale, la victime a été transportée par hélicoptère vers le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Après avoir entendu du bruit dans la maison de son voisin, le vieil homme était sorti chez lui. Apercevant une baie vitrée brisée, il a pensé à un cambriolage et pénétré dans la maison pour surprendre le voleur. Mais l'intrus s'est avéré être un sanglier blessé et apeuré. L'animal a chargé le touchant aux jambes. Les voisins alertés ont prévenu les gendarmes qui ont retenu la bête dans la maison avant qu'un garde-chasse ne l'abatte. Comment peux-tu penser qu'un animal est un voleur? Je sais pas. Un voleur, c'est comme une sac à pitasse. Potentiellement, certains d'entre eux, s'ils veulent Ils veulent se faire abattre d'une bonne façon, en tout cas, je sais pas. J'aimerais avoir des chiffres et des statistiques sur les voleurs qui se promènent à quatre pattes. Et finalement, un homme se coupe la main et la fait cuire au micro-ondes. C'est bel et bien vrai. Un homme vivant dans l'Idaho a coupé sa propre main avec une scie circulaire et l'a mise à cuire dans un four à micro-ondes, croyant être porteur de la marque de la bête. Le shérif adjoint du comté de Kootenai a expliqué que l'homme, dont le nom n'a pas été dévoilé, avait appelé les services de secours pour les informer qu'il s'était coupé la main et saigné abondamment. Lorsque les secours sont arrivés, il leur a expliqué de s'être amputé car il pensait avoir la marque de la bête sur sa main. Il a juste senti le besoin de se couper la main, a expliqué le shérif adjoint, qui n'a pas été en mesure de dire si les médecins pourraient la lui greffer à nouveau après sa cuisson dans un four micro-ondes. En attendant, l'homme faisait l'objet d'évaluations sur sa santé mentale, évidemment à l'hôpital local, selon la police. Moi aussi, je tiendrais à rester anonyme après ça. Ouais, j'imagine. Mais bon, que veux-tu, il y a des gens qui ne contrôlent pas vraiment leur cerveau, hein, ça arrive. Et ou leur couteau. Ou leur couteau, ou instrument quelconque. On pourrait utiliser plein d'instruments, j'imagine, pour couper des mains. Probablement. On se retient, tu sais. Ouais. Un petit peu de gêne. Ouais, un petit peu de... Ça arrive. Si vous voulez aller lire les nouvelles depuis tantôt, on avait parlé d'un gars qui était convaincu de sa sobriété et qui s'est livré à la police, d'une institutrice et de son élève à la langue coupée. Il a coupé la langue de son élève et d'un enfant qui s'est collé une main à son lit pour éviter la rentrée des classes. Tout ça, c'est sur le www.just.com. Absolument. Et même place que vous allez retrouver est la balado diffusion à MP3 et les liens de nos artistes qu'on présente. Et avant d'écouter un peu de Brand Van 3000, oui. On va écouter l'album Elle is Eux Autres de la formation Eux Autres. Voici Écoutez bien. Oh. Écoutons la donc là. Chanson. Free tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Oh, you can all call in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see about that. Give us a ring, ding, ding. It's a beautiful day. Todd, this is Liquid, ring a ding a ding, and I want those three Brand Van tickets, man. What do you think? Todd, you there? Live, bitch, live. Yeah, mighty social, man. I'm woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise, a mafioso story with a twist. A 2-1 fool, Joe Numa, here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way. But we did nothing, absolutely nothing. Again, blaring out the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kind of groovy, working on a movie. Yeah, right. But we did nothing, absolutely fucking that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26? With my mind on my money, my money on my mind. Damn, damn. Some men there wanted to hurt us, and other men said we weren't worth the fuss. You could see them all bitching by the bar about the fine line between the rich and the poor. And Mike turned to me and said, what you think we got done, son? We found a conclusion. Drinking in L.A. Bram, Bram, 3000. Un vieux succès. Très bon, ça. Oui. Justement, c'était eux autres avec Écoutez bien de leur album L is Eux Autres. C'est déjà la fin. Écoutons la chanson. Et comme à chaque semaine, ben pour terminer, on accueille l'animateur de l'émission qui nous suit les vendredis soirs. La dernière porte à gauche, il s'appelle Kiwan. Bonsoir, Kiwan. Hey, bonsoir, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Oui. Et quoi de neuf à la dernière porte à gauche ce soir? Ce soir, il y a la présentation de la petite entrevue que j'ai réalisée hier avec Pierre-Alexandre Bouchard, le chanteur de El Motor. Donc, je présente ça aujourd'hui dans mon émission, vu qu'ils sont en spectacle mardi prochain au Gambrinus. Et en musique, qu'est-ce qu'il va y avoir? En musique, quelques nouveautés. Nouvelle pièce de Bivouac, entre autres. Je vais essayer de passer la nouvelle pièce de 4D que j'ai pas pu passer en entier la semaine passée. Puis, couple de nouveaux trucs, là. Ça devrait être très bon. C'est la dernière porte à gauche, les vendredis soirs à 20h. Et voilà. Et voilà. Ben, nous, on se quitte. Virginie, merci beaucoup d'avoir été là, comme toujours. Merci, Mathieu Plante. Moi, je retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, les jeudis à 11h et les mardis à 9h. Et dans le poste d'écoute, les vendredis matin à 10h. En rediffusion, les samedis et mardis à 13h. Les Palmarès et Fous sont en direct les vendredis soirs à 17h. Et en rediffusion, les mercredis à 13h. Essayez de retenir ça juste pour voir. Maintenant, je respire. Allez voir le www.unechance.com pour la balado-diffusion, les liens de nos gens stupides qui font des choses stupides et les liens vers les artistes que vous avez entendus ce soir. De la part de Virginie Cossette, de moi, Mathieu Plante, de Kiwan et de toute l'équipe fictive des Palmarès et Fous, faites attention à vos genoux. Bonne journée, bonne chance et on se quitte avec Pépé, sa guitare et le mangeux de Bin. Bye! Bon pet! pingouine qui mange que de la poutine. Ouais, oh. Moi j'haïs la poutine, la place, moi je mange les bines. Ouais, oh. Les Français appellent ça le cassoulet. Ouais, comme carnet. Ouais, oh. Et au Chili, c'est bikini farci. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Chinois, mange des mets chinois. Ouais, oh, oh, oh, oh. Mais le pâté chinois, ça vient du Canada.